les pompes, je marche droit. Ouais, j'ai du chewing-gum sur les pompes, je marche dans mes bottes. Du chewing-gum sur les pompes, je marche droit. Même si je décolle, je reste au sol, même si je décolletais pas. La mienne dorée me fait paraître un vieux passé sur le bio. J'irai aider pour vous, je plaide. Cigare au dents et détergent. Le mascara va comme un gant. C'est détergent, c'est rare à 800 évident. Mais c'est même